17.2. Compréhension auditive. Phase 1. Regardez les images ci-dessous, écoutez et répétez les énoncés qui leur correspondent. 1. Il fait du pain, il est boulanger. 2. Elle est actrice. 3. Il est boucher, il vend de la viande. 4. Elle est chirurgien. 5. Elle est bergère, elle s'occupe de ses moutons. 6. Il est pompier. 2. Écrivez la lettre qui identifie chaque passage que vous entendez sous l'image qui lui correspond. A. Il est pompier. B. Il est boucher. Il vend de la viande. C. Elle est bergère. Elle s'occupe de ses moutons. D. Elle est actrice. 1. Elle est chirurgien. 2. Il fait du pain, il est boulanger. 3.